Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 28 février 2019. Voici les grands titres de cette édition. Nous parlerons dans ce journal des devoirs des partis politiques, soit le parti politique au pouvoir ou le parti politique des partis politiques de l'opposition par rapport à la mise en application de leurs promesses électorales. Et 600 soldats du contingent burundais de la MISOM sont toujours attendus sur le millier de militaires qui devraient rentrer à Bujumbura ce 28 février, selon la correspondance du département pays sécurité de l'Union africaine. Nous ferons le point sur la question dans ce journal. Et le nom de la monnaie commune qui sera utilisée dans les pays de la communauté est-africaine sera connu en 2021. Et à la BRB, la Banque centrale du Burundi, l'on est confiant, la monnaie burundaise est stable. Le Burundi pourra respecter les délais, même si l'on reconnaît certains défis liés à cette entrée du Burundi à l'union monétaire. Et la police a saisi ce mercredi plus de 200 sacs d'engrais chimiques au marché de Moussigny, en commune Manda, dans la province de Bouvanza. Les détenteurs de ces produits ont été également arrêtés. Voilà pour les quelques titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À côté de la course au pouvoir, les partis politiques ont entre autres mission de montrer l'état d'avancement de la mise en application des promesses électorales pour le parti au pouvoir et ses alliés, et montrer les écarts pour les partis d'opposition. C'est du moins le point de vue de Denis Banchimiyoubusa. Il est docteur en sciences politiques, spécialiste des questions des partis politiques et des élections. Au moment où il y a des partis politiques qui demandent d'être agréés pour répondre aux élections de 2020, cet expert indique qu'en se préparant pour les élections, les partis politiques devraient être présents sur le terrain. Suivez à ce propos Denis Banchimiyoubusa. Les élections ne sont pas les seules visées pour tout parti politique. Normalement, tout parti politique a dans sa mission plusieurs autres fonctions, dont la socialisation politique, dont l'agrégation des intérêts, dont le fait d'être intermédiaire entre la population et les pouvoirs publics. Donc, même si apparemment tout le monde pense que les élections sont l'unique fonction dévolue au parti politique, il n'en est pas ainsi. C'est vrai que c'est un moment crucial. Mais le moment électoral doit être considéré comme le couronnement de toute une activité quotidienne pour les partis politiques. Le parti politique a le devoir d'aller enseigner, d'aller faire la socialisation politique sur le terrain, d'aller faire ce que nous appelons une animation politique locale afin de dévoiler son programme, afin de critiquer le gouvernement si jamais c'est un parti politique de l'opposition, afin de montrer où il en est au niveau de ses réalisations, si jamais c'est un parti qui est au pouvoir. Donc, c'est toute une série d'activités pour tout parti politique et le moment électoral n'étant que le couronnement. Nous avons ce dernier temps entendu des hommes politiques qui auraient tenté de faire agréer les partis et se lamenter. Quel est le but finalement? Les partis sont fondés pour aller aux élections. On a entendu qu'il avait tenté sa requête en 2014, c'est-à-dire à la veille des élections de 2015, et qu'il recommence à en grande pompe en 2019 à la veille des élections de 2020. C'est une erreur d'appréciation ou c'est une erreur qui se remarque chez les fondateurs des partis politiques en Afrique en général et au Burundi en particulier. On essaye de confiner les partis politiques à la seule activité électoraliste. Or, l'objectif d'un parti politique n'est pas que électoral. Denis Banchimiyoubusa, il est docteur en sciences politiques et spécialiste des questions des partis politiques et des élections. Le nom de la monnaie unique sera utilisé au sein de la communauté est-africaine, sera connu en 2021. Si rien ne change, c'est Venist Ndikumwenayo, directeur des études économiques et statistiques à la Banque centrale, qui le dit. Il affirme que le Burundi s'active pour respecter les délais, même si des défis ne manquent pas. Il affirme qu'en attendant, la monnaie burundaise est stable, expliquant qu'elle n'est pas à comparer avec celle des pays membres de la communauté. Elle est évaluée annuellement par rapport au dollar américain et elle est stable. Suivez Veniste Ndikumwenayo au micro de Léonce Vitalio. Elle est vraiment stable parce que les critères fixent une variation annuelle de plus ou moins 5% annuellement. Et nous avons constaté qu'au cours des trois dernières années, et en dépit des difficultés que nous avons connues, la monnaie burundaise est restée stable parce que lorsque vous regardez la variation du taux de change d'une année à l'autre, nous constatons qu'au cours des trois dernières années, la monnaie burundaise a fluctué dans les marges des 5% fixées comme critères au niveau de la communauté est-africaine. Donc, notre monnaie est relativement stable. Quelle serait alors la monnaie qui sera utilisée une fois l'union monétaire devenue effective? La monnaie qui sera utilisée n'est pas encore connue au moment où je vous parle, parce que l'union monétaire prévoit une feuille de route qui décrit des activités qui devront être entreprises avant l'année 2024 si on se réfère au protocole d'union monétaire. Il est prévu que les chefs d'État pourront décider sur le nom de la monnaie qui sera utilisée dans la communauté est-africaine, et le travail préparatoire de la monnaie unique a été confié à ce qu'on appelle l'Institut monétaire est-africain, qui est un institut qui devra être mis en place suivant la feuille de route. Je profite de cette occasion pour vous dire que à l'occasion du 20e sommet ordinaire des chefs d'État qui s'est déroulé en Tanzanie le 1er février 2019, l'un des points sur lesquels les chefs d'État ont pu se prononcer, ils ont approuvé le projet de loi qui met en place l'Institut monétaire est-africain, qui devra cette fois-ci prendre le relais de ce que font les banques centrales à travers l'OMAC, en essayant de faire la conception et tout le travail préparatoire qui permettra aux différents pays de se préparer à l'union monétaire. De façon générale, vous tranquillisez que le rendez-vous de 2024 sera respecté. Jusqu'à présent, tous les pays sont en train de se préparer. Les préparatifs vont bon train, malgré certains défis principalement liés au fléchissement de l'activité économique à la suite de la crise de 2015. Mais la bonne nouvelle, c'est que les chiffres que nous avons jusqu'à présent, nous avons quand même un redressement de l'activité économique et donc de l'économie nationale qui s'observe depuis les deux dernières années, où le taux de croissance augmente au même niveau de plus de 4% qu'on avait enregistré avant la crise de 2015. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 5% de Burundais meurent chaque année suite au cancer dans le pays. C'est du moins ce que dit le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique. C'était ce jeudi lors de la célébration de la journée dédiée à la sensibilisation et à la prévention contre le cancer. Jean-Baptiste Nzoriro Nkanguze indique que parmi les causes de cette maladie figurent le tabagisme et l'alcoolisme. Il invite la population à adopter un mode de vie sain, puisque cette maladie est curative une fois traitée à temps, dit-il. Au niveau du Burundi, il se remarque que le cancer est vraiment constitué un lourd fardeau à la population burundaise, parce que nous voyons que 5% des décès qui surviennent dans notre hôpitaux sont liés au cancer. Le problème le plus important, c'est que le cancer, c'est difficile à traiter que prévenir. C'est pourquoi nous interpellons toute la population d'adopter des modes de vie sains qui n'exposent pas leur santé au cancer, en évitant la consommation du tabac, la consommation excessive d'alcool, et surtout se faire consulter à temps, parce que le cancer guérit une fois que le malade consulte à temps, mais au fur et à mesure que le patient tarde à consulter, le risque de décès devient aussi élevé. Également dans l'actualité, la Chambre basse du Parlement s'insurge toujours contre la décision du Conseil de sécurité de l'Union africaine concernant le rapatriement de 1000 militaires burundais parmi les forces de maintien de la paix en Somalie. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit ce jeudi lors de la clôture de la session de décembre édition 2018. Le député Pascal Nyabinda a, sur un autre registre, lancé un appel aux responsables des partis politiques et aux journalistes de jouer leur rôle avec beaucoup de responsabilité en cette période qui nous sépare des élections de 2020. On l'écoute. Alors que le pays s'achemine petit à petit vers les élections générales de 2020, nous exhortons les acteurs politiques et particulièrement les médias à jouer leur rôle avec beaucoup plus de responsabilité afin de développer davantage dans notre pays une culture de dialogue, de tolérance et de paix. La paix et la sécurité ne règnent pas encore sur tout le territoire somalien parce que les Shabab, dont le terrorisme constitue une menace non seulement pour la Somalie et d'autres pays comme le Kenya et pour toute la région, n'ont pas encore été totalement vaincus. C'est pourquoi l'Assemblée nationale se joint à leurs excellences Pierre Nkurunziza et Mohamed Abdoulaye Farmajo pour redire non à la décision du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine de retirer les troupes burundaises de la MISOM. Une telle décision devrait être prise après une rencontre des pays contributeurs des troupes. L'Assemblée nationale clôture cette session ordinaire de décembre 2018 avec la mise en place de la loi qui crée deux capitales, à savoir Bujumbura, qui est la capitale économique, et Gitega, qui est la capitale politique. L'Assemblée nationale, qui compte rejoindre le Sénat à Gitega, sollicite l'appui de ses partenaires pour que cette activité qui demande beaucoup de moyens ait lieu. Et je vous le disais, 1000 soldats parmi les Burundais en mission de maintien de la paix en Somalie devraient rentrer ce jeudi 28 février selon la correspondance du département paix et sécurité de l'Union africaine. Sur cet effectif, 400 sont déjà rentrés il y a une semaine. Déjà, les deux chambres du Parlement burundais se sont exprimées sur le retrait et ont demandé à l'Union africaine de reconsidérer cette décision ou de faire entrer tout le contingent burundais. Une position formalisée par l'ambassadeur du Burundi à Addis Abeba dans sa correspondance du 20 courant adressée à la Commission de l'Union africaine. Mireille Kanyangé, tu nous dis ce qui se trouve dans cette correspondance. Oui, Jean Bosco, même avant de vous parler de cette correspondance, je voudrais vous dire que jusqu'aujourd'hui, 400 sur les 1000 militaires burundais sont déjà rentrés de la mission de maintien de la paix en Somalie. 200 sont venus jeudi 21 février. Et 171 autres sont rentrés samedi, s'ajoutant à 19 qui étaient en congé. Il reste ainsi 600 militaires burundais. Et se basant sur les propos d'Ismaël Chergui, président du département paix et sécurité à l'Union africaine, sur les ondes de la BBC, cette décision de retrait des 1000 soldats burundais, donc les 600 qui restent, est irréversible. Un suspense règne donc sur l'arrivée ou non ce jeudi des 600 militaires burundais qui restent sur les 1000. Ce retrait suscite des remous depuis que ce département paix et sécurité se soit adressé au commandant des forces en Somalie de penser à retirer ses troupes burundaises. Une décision vite décriée par la force de défense nationale en date du 23 décembre 2018 en conférence de presse parlant d'une décision en déphasage avec une nouvelle reconfiguration de la résolution 2431 des Nations Unies. Ce retrait a également fait objet de l'entretien du président burundais avec son homologue somalien lors de sa récente visite de deux jours au Burundi, où le numéro un burundais a plutôt demandé qu'il y ait un sommet entre pays contributeurs de troupes en Somalie. Problématique, Jean Bosco, qui a également réuni les deux chambres du Parlement burundais il y a une semaine, où ces deux institutions ont demandé à l'Union africaine de reconsidérer cette décision, sinon de rapatrier tout le contingent burundais. Mais ma vie, comme vous le disait Jean Bosco, de l'ambassadeur du Burundi en Éthiopie dans sa correspondance du 20 février adressée à la Commission paix et sécurité de l'Union africaine. Et sur le sort des 600 militaires burundais qui restent donc en Somalie, le porte-parole de la Défense nationale, le colonel Floribert Abiyeleke, fait savoir que cette question est gérée par les concernés pour le bien de toutes les parties prenantes. Et pour rappel, le Burundi est présent en Somalie depuis 2007 avec 5400 troupes. Il occupe le secteur 5 en Somalie, pays contributeur pays contributeur derrière l'Ouganda. Cinq pays sont en Somalie, c'est justement le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie et le Djibouti. Merci Mireille Kanyangé pour toutes ces précisions. L'actualité nationale se poursuit. Plus de 10 maisons se trouvant dans le quartier Gikung en zone urbaine de Gihosha sont déjà détruites par le ravin situé près de la rivière Nyenzari. Passant dans cette zone, les habitants de ce quartier demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide, car ceux dont les maisons sont détruites dorment actuellement à la Belle Étoile. C'est un reportage de Jean-Marie Vianney, Ngendakoumane. Arrivé dans le quartier Gikungu, dans la zone urbaine de Gihosha, s'observe un lavé profond se trouvant au bord de la rivière Nyenzari. Le constat est que beaucoup de maisons construites de façon moderne se trouvant dans cette localité sont menacées par le glissement du terrain. Les habitants de ce quartier s'inquiètent de cette situation. situation. C'est effrayant pour nous qui habitons ici. Nous voyons que nous sommes au bord du ravin et il y a déjà 10 maisons qui ont été détruites et les autres y sont presque. Des fissures se font voir sur des carreaux comme vous le voyez et les murs sont en train de tomber. On ne sait plus quoi faire. Les gens ont déjà fui cet endroit, mais ils n'ont pas d'abri. C'est à partir de ce mois-ci qu'ils ont commencé à quitter parce que ce ravin a maintenant de plus en plus de fissures, comme vous le voyez. Même les autres maisons vont s'effondrer. Vous aussi, vous allez le constater. Ces habitants demandent au gouvernement de leur venir en aide, surtout la réhabilitation de ce ravin. Nous demandons qu'ils nous aident à trouver de nouveaux logements en attendant que ce ravin arrête de s'effondrer. Ça nous sera d'une grande aide. Ces habitants du quartier Gikungu, faut savoir qu'ils ont soumis leurs questions auprès des autorités administratives, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu de la réponse satisfaisante. Jean-Marie Vianenge Ndakoumana, la rédaction n'a pas encore réussi à recueillir justement la réaction des autorités administratives locales. Plus de 200 sacs d'engrais chimiques ont été saisis par la police au marché de Moussegni en commune Manda dans la province de Boubanza. C'était ce mercredi lors d'une fouille perquisition opérée par la police et les détenteurs de ces produits ont été également arrêtés. Le directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage met en garde toute personne qui fait le commerce interdit de l'engrais subventionné. Spes Caritas Cavagnana. Suite aux lamentations des cultivateurs qui déplorent les prix élevés sur les marchés de l'engrais chimique qui ne devraient pas être vendus, la police, en collaboration avec les responsables à la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Boubanza, ont organisé ce mercredi une fouille et perquisition au marché de Moussegni dans la commune de Manda et 243 sacs d'engrais de types différents, urée, DAP, NPK et KCL, ont été saisis. Les détenteurs ont également été arrêtés selon le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Boubanza. Wilinda Ikeza, directeur à la DPAE, fait savoir qu'il est interdit de vendre l'engrais subventionné et appelle la population à dénoncer chaque fois ces commerçants qui passent outre la loi afin qu'ils soient sanctionnés. C'est au moment où la population se lamente et disent qu'au moment de l'inscription des bénéficiaires, même les commerçants se présentent et achètent de grandes quantités d'engrais qu'ils revendront plus tard à un prix très élevé. Un sac de 25 kg durée par exemple, qui est donné à 26 900 francs, peut être vendu par ces commerçants à 80 000 francs selon la même source. Spes Caritas Kabanyana, Boubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kavagnana. Toujours dans les nouvelles des provinces, cap maintenant sur Ngozi. Il demande aux bienfaiteurs de l'aider à régulariser la facture des soins de plus de 80 000 francs burundais qu'il doit à l'hôpital d'Ngozi en vue de continuer à recevoir des soins. Il, c'est Jean Bouchoumi de la colline Erosuguti en commune Ngozi, vivant avec le VIH-Sida, en même temps sous le traitement antituberculeux. Ce citoyen d'y avoir manqué ce dû alors qu'il devait s'approvisionner chaque mois en médicaments à cet hôpital. Apollinaire Muzagara. Ce citoyen, Bouchoumi Jean, indique qu'il a été hospitalisé il y a environ un mois à l'hôpital d'Ongoze. Après, il a été obligé de payer 81 850 francs bout de soins avant de rentrer à la maison. Il affirme avoir fui l'hôpital faute de moyens de régularisation de cette facture. Jean Bouchoumi est rentré sans médicaments, ni fiche de l'hôpital l'autorisant l'approvisionnement en médicaments antituberculés au centre de santé qui lui est proche. Le réseau des personnes vivant avec le VIH-Sida a décidé de chercher ce citoyen afin d'éviter la propagation de la tuberculose dans son entourage, dit Nyandu Rose, représentant le réseau LPP Plus en commune Ngozi. Bouchoumi Jean a promis de chercher cet argent, mais indique aujourd'hui qu'il n'en a pas trouvé. Même l'activité de transport de marchandises par tête qui lui faisait vivre va au ralenti à cause de son état de santé qui ne cesse de se détériorer, déplore-t-il, et demande en conséquence la main de toute âme charitable pour qu'il soit traité. La responsable du RBB Plus Ngozi indique que pareil cas de personnes vivant avec le VIH qui ne fréquentent pas les structures de soins à cause de l'indigence sont nombreux actuellement en milieu rural. Et cela depuis la suspension de la prise en charge de ces PVVS. Rose Nyandui demande aux autorités hiérarchiques du ministère en charge du SIDA, notamment le programme national de lutte contre le SIDA, d'agir le plus rapidement possible afin de sauver ces nombreuses vies en danger. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Toujours dans les nouvelles de Provence, cette fois-ci en bref, un camion remorque transportant des articles divers en direction d'Ongozi s'est renversé après avoir dérapé dans la localité de Rukinzo en commune Gasorgue. C'est dans la province Muyinga. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, ce véhicule a immédiatement pris feu et a été sérieusement endommagé. Le bilan est de 2 personnes blessées et ont été transférées à l'hôpital d'Ongozi. La même source indique que quelques articles non endommagés par l'incendie sont sécurisés par la police pour éviter le pillage par la population locale. Et le ministre de l'Intérieur et parrain de la province Muyinga recommande aux exploitants miniers d'investir dans d'autres secteurs car les minerais s'épuisent. C'est en réponse aux habitants de Butihinda, dont d'anciens orpailleurs devenus pauvres jusqu'à vendre des objets ménagers. Et pour terminer ce journal, le pas franchi dans l'organisation de la compétition musicale Isanganiro Award est satisfaisant. Affirmation d'Edwige Djembonima, artiste et un des initiateurs de ce projet, au moment où la 7e édition de cette compétition est prévue samedi prochain. Elle appelle les artistes burundais à la promotion du style musical traditionnel. On l'écoute. À notre niveau, nous faisons une évaluation positive parce que lorsque nous avons pensé à faire une compétition comme Isanganiro Award, c'était avant tout de promouvoir la musique burundaise. À cette époque, c'est comme si la musique burundaise était quasi inexistante. Il y avait juste une ancienne génération de chanteurs comme Afrikanova, comme Amabano, Matata d'une autre génération. Mais la génération actuelle semblait se désintéresser de la langue kirundi, des rythmes burundais, des instruments traditionnels burundais. Alors, nous avons initié Isanganiro Award pour encourager les chanteurs burundais, les producteurs burundais à plus utiliser les instruments traditionnels burundais. Que faut-il corriger ou encore que faut-il innover pour que cette compétition puisse avancer? Pour que la compétition puisse avancer, surtout pour que la culture burundaise et l'art burundais puissent être exportés, être valorisés sur le marché international des arts, la contribution d'Isanganiro Award serait que désormais les artistes utilisent les rythmes traditionnels des régions dans lesquelles ils proviennent. Que sont devenus ceux qui ont remporté la compétition Isanganiro Award? Il suffit de visiter Internet pour voir comment ces artistes aujourd'hui parviennent à construire leur vie, à construire leur carrière à partir des prix qu'ils ont reçus, à partir de la promotion qu'Isanganiro Award leur a fait. Quelle est la différence entre Isanganiro Award de la 7e édition et d'autres éditions précédentes? La différence entre Isanganiro Award et les autres compétitions, c'est que Isanganiro Award vise surtout la valorisation de la culture burundaise. À titre d'exemple, si par exemple l'artiste provient de l'une des régions traditionnelles telles que Imbo, Bugesera, Ubuyogoma ou Kirimiro, il puisse intégrer dans ses chansons les rythmes traditionnels qui sont dansés chez eux ou bien les instruments traditionnels tels que Inanga, Imiduri, Indonongo, ainsi de suite. Edwige Mbonima, artiste et un des initiateurs du projet Isanganiro Award, était au téléphone avec Elie Nibel Nibigira. Et c'est par là que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ce journal a été mis en onde par Eric Ouimana au micro Jean Bosco Ndouimana. Passez un bon après-midi.